Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner les 5 erreurs à éviter si tu veux réussir ton prochain investissement immobilier. Avant de démarrer cette nouvelle vidéo, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentable. J'y mets en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu peux la télécharger gratuitement. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Au-dessus ou en dessous, tu me mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner les 5 erreurs à éviter si tu veux faire des investissements rentables. L'erreur numéro 1, faire rentrer le biais émotionnel dans ta négociation. Tu n'es pas en train de faire les boutiques, tu n'es pas en train d'acheter un truc à 10 euros, à 100 euros même. Tu es en train de monter un business dans lequel il faut vraiment laisser le côté émotionnel de côté. Et il faut être très très cartésien. Si ta rentabilité, tu as estimé que ta rentabilité était OK pour un budget à 100 000 euros, et si jamais ça monte à 105, à 107 000 euros, même si le bien il est magnifique, même si c'est merveilleusement positionné, si tu n'es pas rentable, tu lâches l'affaire, tu passes à autre chose. Tu vas au bout de ta négociation, tu ne lâches pas la négociation. Et par contre, si à la fin de la fin, ce n'est pas rentable, tu passes à autre chose. Donc, numéro 1, on retire le biais émotionnel. Erreur numéro 2, penser, et ça c'est une erreur vraiment classique au début, loyer égale prêt. Donc, si tu as un prêt de 500 euros et que tu as un loyer de 500 euros, l'erreur principale, c'est de penser que ton bien, il s'autofinance. Et c'est faux. Attention, loyer n'est pas égal à prêt. Il faut bien évidemment penser aux charges de copropriété, aux assurances, à l'expert comptable, à la taxe foncière et aux travaux imprévus. Donc, le loyer n'est pas égal au montant du prêt. Il faut prendre au minimum 70%, un ratio de 70%. Donc, voilà, le prêt doit être égal à 70% de ton loyer minimum. Donc, si tu peux aller à un loyer de 100 euros, de 1000 euros pour un crédit de 500 euros, c'est encore mieux. Et plus tu peux étirer entre les deux, et mieux ça sera. Donc attention, loyer n'est pas égal au montant du prêt. L'erreur numéro 3. Ben voilà, t'écoutes l'agent immobilier, t'écoutes des amis et t'étudies pas un marché. Et là, ça peut être très compliqué. Moi, je sais, là où j'investis, l'un des endroits où j'investis, à deux rues d'écart, c'est pas du tout le même prix et c'est pas du tout le même marché. Donc, je peux avoir l'impression d'avoir fait une super affaire, mais en fait, ça va coûter effectivement moins cher, mais parce que deux rues plus loin, c'est vraiment le marché est vraiment moins bon et c'est vraiment moins cher et les loyers sont aussi moins élevés. Donc, je vais payer moins cher, mais je vais louer moins cher. Donc, des fois, ça se joue à deux, trois rues. Donc, c'est bien de connaître le marché, donc en demandant effectivement aux gens, en allant se faire sa propre idée et ensuite en tâtant le terrain, en faisant une annonce fictive, en mettant exactement, tu mets exactement l'adresse et tu fais une annonce fictive et là, tu vas pouvoir vraiment sentir un petit peu le marché. Maintenant, effectivement, si tu es vraiment dans une grande ville, mais les rentabilités vont être assez difficiles, en plein centre-ville d'une grande ville, même si tu ne connais pas trop, tu investis en plein centre-ville de Lyon, mais tu ne connais pas trop, si tu as juste des amis ou qui te disent que c'est pas mal fréquenté, enfin que c'est à peu près bien, que c'est à côté des transports en commun, bon, tu as peu de chances de faire une grosse erreur. À côté de ça, tu auras quand même une rentabilité qui ne sera pas énorme. Là, je te parle pour aller chercher des rentabilités plus élevées, donc dans des endroits un peu moins connus. L'erreur numéro 4, penser que tu feras ton affaire à la revente. Donc, imaginez une hypothétique plus-value et te dire, voilà, tout dans ce quartier, forcément, ça va augmenter. Non, c'est une erreur. Même si tu as raison à 80%, tu ne peux pas présager de ce qui va se passer dans le futur. Donc, l'affaire, elle se fait à la signature de l'acte de vente. Quand tu es acheteur, au moment où tu es acheteur et que tu signes, c'est là que tu fais ta bonne affaire ou que tu ne fais pas une bonne affaire. C'est là que tu te crées une bonne affaire. Tout ce qui est ensuite, dont la plus-value pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ce n'est pas là, il ne faut pas miser dessus par rapport ou seulement dessus par rapport au fait que tu ne peux pas anticiper. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une crise immobilière et que dans 10 ans, ton bien il vaut 30% moins cher. Donc on ne peut pas savoir ça. On ne peut pas le prédire. Ce qu'on peut savoir, c'est combien tu achètes aujourd'hui. L'astuce numéro 5, et je sais qu'il y en a qui ne sont pas forcément d'accord avec ça, c'est ne pas profiter de l'effet de levier. Les taux sont extrêmement bas et il faut vraiment en profiter au maximum, sans se mettre en danger. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des liquidités de côté pour les travaux, pour potentiellement injecter s'il y a besoin à un moment et c'était bloqué par la banque, mais au maximum, mais tant que c'est possible, il faut profiter de l'effet de levier. Là où la question se pose réellement, c'est est-ce que tu en profites jusqu'au bout et donc tu vas jusqu'à 25 ans, ou alors tu t'en profites, mais tu fais du sans apport, mais tu vas jusqu'à 20 ans. Là, la question se pose, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, je te les mettrai si tu veux dans le petit i en haut de la vidéo. Là, la question peut se poser, ça peut être différent, est-ce que tu veux un plus gros cash flow ou pas, mais d'une manière générale, il faut profiter de cet magnifique effet de levier et surtout avec les taux aussi bas, donc il faut en profiter au maximum. Il faut retirer de ton état d'esprit le fait que, ok, mais je veux que mon billet soit remboursé dans 5 ans, dans 10 ans. Non, parce que tu auras un bien, deux biens, tandis que si tu en as 20 ou si tu as 10 biens au bout de 20 ans, tu verras, fais tes calculs, tu verras que tu seras beaucoup mieux, tu pourras gérer tes stratégies de sortie selon tes biens, tu pourras diversifier. Tandis que si tu as un ou deux biens et tu dois attendre 10 ans du coup pour qu'ils soient payés, pendant ce temps-là, tu ne peux rien faire parce que tu t'es complètement mis au max de ta capacité d'endettement. C'est vraiment dommage et surtout aujourd'hui avec les taux d'immobilier qui sont bas. Cette vidéo, nous avons vu les 5 erreurs à éviter pour faire un investissement rentable. L'erreur numéro 1, le biais émotionnel. L'erreur numéro 2, penser que le montant du loyer égale le montant du prêt. Cela veut dire que ça s'autofinance. L'erreur numéro 3, ne pas étudier ton marché. L'erreur numéro 4, penser que tu feras une affaire à la revente grâce à la plus-value. Et l'erreur numéro 5, ne pas utiliser l'effet de levier. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, n'hésite pas à me mettre un gros like. Mets-moi dans les commentaires si tu es d'accord, si tu vois d'autres erreurs importantes à éviter pour faire des investissements rentables. On interagit, tout cela me permet de remonter dans les moteurs de recherche et de faire connaître au plus grand nombre qu'Esprit Gagnant est là pour aider les investisseurs à devenir rentable. Ah, mon objectif, c'est de faire connaître à tous les investisseurs qu'Esprit Gagnant existe. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, passe à l'action, kiffe, profite des tiens, la vie est courte. Ciao, ciao!